Repêchage de la Ligue nationale de football, on en parle avec notre ami Tony Guzzo. Salut Tony. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien Tony. Avant de commencer, bien évidemment, il y a trois rondes de fait aujourd'hui. Donc, et aujourd'hui, c'est la ronde 4 à 7. Ça va commencer dans quelques minutes sur ABC, ESPN, ABC, ESPN, TSN. Donc, vous pouvez voir ça. NFL Network également. Hey, Sam Howell, on parle beaucoup de Malik Willis, et avec raison, là, parce que Malik Willis était classé 6e, puis qu'il est sorti quoi, 80e? Oui. Mais Sam oui. Howell, l'année passée, c'était vu comme un top 10, il est même pas choisi encore. C'est incroyable, hein? Ben, en gros, moi, je suis content cette année, pour une des rares fois, que. Parce que la qualité des quarts arrière, il sortait pas, ça devait partir à partir de la deuxième ronde. Donc, on a eu Kenny Pickett en première ronde. Il y en a une gang hier qui sont sortis seulement en troisième ronde. Ouais. Donc, c'est vraiment, j'aime bien, pour une fois, on a respecté la logique au niveau des quarts arrière. Sam Howell, oui, il était considéré dans le passé un des tops. Le gros point d'interrogation, c'est que parce qu'on ne sait pas quoi s'attendre de Sam Howell, parce qu'il est plus... C'est pas un joueur de pochette, là, tu sais, comme on dit. Il reste pas à la Tom Brady, tout ça. Parce qu'il joue beaucoup selon le RPO, là, Run Pass Option. Là. Donc, avec North Carolina, c'était beaucoup ça son jeu. Donc, les équipes se sont posées beaucoup de questions. On sait pas quoi s'attendre de lui en termes de corps arrière dans sa pochette. Comme on sait, on veut un peu les deux, là, tu sais, parce que c'est un peu comme à la. Pas Kyler Murray, mais Lamar Jackson. Mais on sait très bien, il peut réussir. Mais vers la fin de l'année, c'est difficile. Donc, non, mais j'aime bien comment... Il va sortir aujourd'hui, puis ça va être intéressant parce que... Peut-être même devrait sortir normalement, là, bientôt. Oui, oui, ouais, bientôt. Mais toutes les équipes qui ont besoin d'un corps arrière l'ont choisi hier. Il y a rien que Seattle qu'on ne sait pas. Puis je me demande même si les équipes sont en train d'acheter du temps... Ben, les équipes, il reste peut-être un les Seahawks par rapport à Baker Mayfield ou même Jimmy Garoppolo. Là. Parce qu'on n'a rien entendu de ces deux-là encore pendant... Donc, Sam Howell est un cadre de développement. Puis, il va sortir. Mais oui, mais moi, je suis bien content parce que j'avais bien de la misère que beaucoup de corps arrière qui sont peut-être plus de deuxième, troisième ronde aient sorti en première ronde. Donc... donc, je suis bien content à ce niveau-là parce que c'est vraiment, c'est pas une bonne classe de corps arrière cette année. Clair. Les Ravens de Baltimore sont les gagnants jusqu'à présent? Des excellents choix, peux-tu dire ça? Oui, ben, les Ravens, c'est comme en saison régulière, ils sont comme très tranquilles, réussissent très bien. Oui, Baltimore a très bien géré, mais moi, je mets les deux équipes de New York aussi dans les grands gagnants. Baltimore sont allés chercher un maraudeur en Carl Hamilton et le centre Tyler Linderbaum en première ronde. Donc, deux grands joueurs qu'on voit dans les tops de leur position sont allés les chercher en première ronde. Puis après ça, sont allés chercher vraiment un joueur, l'ailier défensif David Ojabo. Pourquoi je parle de lui? Parce que c'est l'opposé de Aiden Hutchinson qu'on parlait beaucoup. Ouais. Donc, il a joué à Michigan, puis ça, c'est un grand ajout de Baltimore. On voit qu'ils sont toujours dans leur culture défensive, les Ravens. Le gros point d'interrogation pour Baltimore encore, ils n'ont pas encore signé Lamar Jackson. Ouais. Et ils sont allés échanger aussi Hollywood Brown aux Cardinals, là, leur receveur. Là. Donc, je me demande, ils sont en train de se dire on est mieux d'être meilleur en défensive pour avoir une chance à l'attaque. Oui, effectivement. Si on parlait maintenant comment tu as trouvé le premier choix des Jaguars? Les Jaguars, c'est un peu les Jaguars. Écoute, c'était pas le meilleur joueur. C'était le plus talentueux, mais c'est parce que lui, il est là à cause des combines. Oui, à cause des combines et la grosse performance défensive de Georgia pendant la saison. On se demandait, tout le monde voyait Hutchinson premier, mais là, même le coach Doug Peterson, comme vous le savez, c'est le nouveau coach en chef des Jaguars qui a coaché les Eagles. Donc, moi, je suis bien content au niveau de l'attaque. Il a dit en conférence de presse que eux autres, ils visaient Walker dès le jour 1, en tout cas. C'est-tu vrai, pas vrai? Il y avait consensus, donc, parce que on pensait qu'il y avait peut-être des conflits à l'intérieur du draft room, là, du repêchage de la gang des Jaguars, mais il semblerait qu'il visait Walker vraiment jusqu'au début. Moi, personnellement, c'est l'histoire un peu des Jaguars au repêchage. On va le souhaiter, mais au moins les top 2, Hutchinson va être content parce qu'il vient du Michigan, fait qu'il se rapproche de Détroit. Donc, c'est un peu un choix sentimental. Walker? C'est l'histoire un peu des Jaguars au niveau du repêchage, malgré que là, on a un nouveau coach en chef, ouais. Peterson, qui connaît vraiment, qui connaît un peu ses affaires, mais on dirait, les rumeurs disaient qu'il y avait un peu de conflit à l'intérieur du bureau de repêchage des Jaguars, mais il semblerait qu'il visait Walker dès le début. Personnellement, puis comme tout le monde, on voyait plus Hutchinson premier, mais je pense, comme tu l'as déjà dit, Walker s'est démarqué au combine. Donc, est-ce que vraiment c'est un aspect à considérer? Mais qu'est-ce que j'aime bien de Hutchinson qui tombe deuxième à Détroit, c'est un gars local. Comme donc, Kelly Baggett à Pittsburgh, je l'avais. Exactement. Donc Walker, on a hâte de voir ça, mais c'est aussi dans la lignée où son équipe Georgia a été excellente en défensive pendant toute la saison. Donc là, on va voir l'individu à l'intérieur d'un autre système. Si vraiment ils vont confirmer qu'ils méritaient d'être le premier choix, mais on a toujours des doutes avec les choix des Jaguars. C'est sûr. Tu as parlé des Lions de Détroit, ils ont fait une autre transaction également. Ils sont avancés de 20 rangs sans se payer, sans se dégarnir. Là. Exactement, oui, ils ont connu une première ronde, un repêchage quand même, aux yeux de tout le monde, tranquille, mais vraiment, ça va bien, puis ils sont sur un momentum, j'ai hâte de voir ça, ils ont bien comblé leurs besoins, Détroit, mais ils ont bien fait ça, puis je dois admettre, cette année, pour une des rares fois, il y a eu beaucoup d'actions, on savait que ça avait été un repêchage intriguant. Tu sais, c'est sûr, pas sexy aux yeux de certains amateurs, mais c'est très intriguant dans le sens qu'ils ont vraiment, bien travaillé les équipes pour essayer de combler leurs besoins. Encore une première crampe au cerveau pour les Packers en première ronde. Pas de Rodgers. Ils ont échangé Davante Adams et ils n'ont même pas été chiés de receveur de passe. C'est incroyable. Mais sont allés chercher de suite au début, en deuxième ronde. Sont allés chercher quand même un bon receveur, Christian Watson. Là, mais je te dirais, dans toute la gang, c'est encore les Packers qui ont... Les Pats, c'est quand même pas fort non plus. Là, mais quoi, qu'on peut pas chialer, comme je disais avec Hugues Fouché. On peut pas chialer parce que on était les partisans des sports les plus gâtés. Mais quand même, quand tu dis qu'NBC... NFL Network avait même pas de film, ni ESPN, sur le joueur pour le repêche en première ronde. Puis il y avait c'est les films de Paris, il y avait 93% des chances qu'il soit disponible encore en troisième ronde. C'est incroyable. C'est du grand Belichick. C'est du Belichick. C'est pour ça que. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on le critique. On va voir qu'est-ce qui va arriver, mais. Comment il s'appelle Cole Strange, là, dans un de mes livres, là, j'ai quand même. Ça fait une couple d'années, j'achète un livre là, d'un gars qui fait du vidéo. Hein. Fait que lui, il le voyait disponible en sixième ronde. tu sais, je veux dire, mais ça a été la grosse surprise, comme tu dis, on n'avait même pas de vidéo sur lui présenter à la télé. Puis vous irez ses réseaux sociaux, là, apparemment les NBC Rams. Boston, apparemment, ils étaient découragés, mais c'est qui, lui? Il n'avait pas à parler. Tout le monde. C'est du grand Belichick, puis on verra. On ne peut pas chialer, là, parce que Belichick, c'est pas une organisation normale. Là, non, c'est ça. C'est ça. Ils ont leur système spécifique de recrutement. Puis, en tout cas, comme on a dit, c'est à cause de Belichick qu'on a des doutes, parce que sinon on aurait encore plus ramassé ces gens-là. Mais allez voir un peu la réaction en direct des Rams, là, quand les Pats ont choisi Cole Strange. J'ai trouvé un peu Sean McVay condescendant là-dessus, parce que lui, il pensait qu'il serait disponible, ce joueur-là, en troisième ronde. Donc, mais on n'ira pas plus loin parce que c'est Belichick. Ouais, non, c'est ça. C'est du grand Belichick. Donc, dans les joueurs qui restent actuellement disponibles, il en reste quand même quelques bons encore. Hein? Oui, ben, on parle de Sam Howell, entre autres, là, mais le début, je dirais, la première moitié de... tu sais, je ne veux pas non plus trop aller en détail, là, mais la première moitié du quatrième round, là, il y a encore 3-4 bons joueurs, là, mais on a hâte de voir qu'est-ce qui se passe avec Sam Howell. Là. Est-ce que le bottard de San Diego State a été repêché? Parce que lui, il fait des bottés de 80 verges. Tu vois, des bottards de... Il n'a pas été encore repêché, ouais, mais on risque de voir. Aujourd'hui, c'est de ronde 4 à 7. Ouais, donc, la plus importante était les deux deuxièmes journées, là, hier et jeudi. Mais moi, je m'attends aussi certains bons joueurs aussi qui vont peut-être pas être repêchés, mais signés en agent libre tout de suite après ce soir. Là. Donc, je vous dirais, c'est des comme des pile ou face comme certains joueurs, mais oui, il y a quand même certains joueurs qui sont disponibles, là, mais on n'ira peut-être pas en détail parce qu'on ne les connaîtra pas. Là. Hugues, merci beaucoup pour ta collaboration. Tony, ben, Tony. Tu m'as appelé Hugues. mais c'est correct. C'est correct, Tony. Donc, merci beaucoup. On va s'en parler, Marc, pour la USFL en juillet, normalement, pour le match de championnat. Le spectacle était mieux la semaine passée. Je peux aussi écouter un peu de match, là. Mais pas de monde d'un gradin. Quelle erreur, je pense. Ben, hein? C'est une grosse erreur, mais c'est financier, Danny. Parce que les équipes. Tu sais, quel intérêt les gens de Birmingham ont à aller voir les Generals du Jersey contre les Panthers du Michigan? Oui, mais ils souhaitaient peut-être quelques fans d'aller visiter Birmingham, donc au niveau développement économique local, là, mais ça a été vraiment, Danny, il faut comprendre que dans le passé, la Ligue Alliance, puis même la XFL, financièrement, ça a coûté beaucoup pour aller ailleurs. Donc, c'est un buffer, c'est une marge financière pour l'année prochaine. Moi, je crois très bien que l'année prochaine, ils vont venir dans leur ville respective. Quel sentiment d'appartenance que tu crées? Tout à fait. Tu crées aucun sentiment d'appartenance. Tony, on se reparle très, très bientôt, éventuellement. Merci beaucoup quand même de ta collaboration. Puis, on va peut-être refaire des entrevues en anglais prochainement. Oui, ça me fait plaisir. Puis, allez sur le blitznfl.com. Oui. On continue, nous. On partage sur les médias sociaux également. Il y a des bonnes analyses du maraudeur. Toi-même également, t'es écrit. Oui. Fait que c'est pas mal le fun. Tony Gouzeau, site internet leblitznfl.com.